Welcome to French Pod, my friends. Today we've got an intermediate lesson. It's called Zoo, and it's going to be a zoo in here, ladies and gentlemen. My name is JP. Alors, JP, c'est Zoo. Zoo. Pas Zoo. Okay. All right, the lesson is called Zoo. Voilà. Salut, bonjour à tous. Alors, je tiens à remarquer que cette leçon a été suggérée par un auditeur. Okay. Donc, merci beaucoup. Merci. Nous sommes doublement contents d'avoir cette leçon sur le Zoo. Sur le Zoo. Okay. C'est là que nous nous rendons aujourd'hui et on va voir les complications que peuvent entraîner une simple visite au zoo. Okay. I didn't know it was so complicated. All right. Okay, Amo, tell us what our key phrase is going to be that we're going to be listening for. C'est un scandale. C'est un scandale. Okay, that's super French, right? Oui. Okay, literally, that's a scandal. But I think in English, I'd say, oh, that's crazy. That's awful. Alors, on va voir si cette leçon est un scandale et on l'écoute tout de suite. J'aime pas aller au zoo. Arrête, on y va qu'une fois par an. Les animaux ont l'air tristes. Mais essaie de voir les choses de manière pédagogique. Tu aimerais vivre dans une cage? Tu commences à m'énerver. En plus, ces animaux ont l'air d'avoir faim. Lesquels? Tous. Ces singes, ces girafes, ces éléphants, ces perroquets, ces gazelles. Et les ours, les tigres, les loups, les aigles, les lions. Eux aussi. C'est un scandale. Ok, si tu veux vraiment les aider, je crois que j'ai une solution. Mais non! Qu'est-ce que tu fais? Alors, je serais content d'avoir ton avis sur la question, JP. Ok. Donc, on va sûrement revenir sur les zoos à la fin du podcast. Ok, absolutely. But first, let's talk about the dialogue itself. Oui, parce que ça s'est quand même assez mal passé. Yeah. À part pour le lion. Le lion doit être ravi. Yeah, literally. Ouais. Mais bon, donc on a une personne qui se plaint d'être là, yeah, dès le départ, mm-hmm, et qui dit « Je n'aime pas aller au zoo ». Au zoo. Okay, now, zoo is the zoo, right? Exactement. Okay. C'est vrai? Yeah, I don't like to go to the zoo. Il dit même, j'aime pas aller au zoo. Alors bon, il peut faire un effort. Donc, right, quand même, c'est pas si terrible que ça d'aller au zoo. Mais bon, alors l'autre lui dit, arrête, on n'y va qu'une fois par an. We only go once a year. Now, when she says on y va, she means to the zoo, right? Au zoo. Oui. Okay, but instead of saying au zoo, she says on y va with that I, all right? So we only go there. And you know what? We only go there. So she says on y va que. On y va que. That's we only go there. That's the ne que construction that goes around the verb phrase, right? On y va que. And she says we only go there once a year. On y va qu'une fois par an. Okay, so that means one occurrence per year, literally, right? In English, we'd say once a year. In French, we want to say one time, right? Une fois. Okay, per year. Par an. Okay, and whenever you see that English word per, which is really a Latin word per, it's the French word par. Exactement, oui. Okay. Pour illustrer, on pourrait dire, je ne me brosse les dents que deux fois par jour. Okay, I only brush my teeth twice a day. Parce que tu sais, JP, normalement, il faut le faire trois fois. That's right, after every meal. Voilà. Right, that's your hygiene tip of the day. Ouais. Mais il a ses raisons pour se plaindre, mm-hmm, puisqu'il dit, les animaux ont l'air tristes. Oh, that's so sad. Now, the animals seem sad. Now, the verb here that we use is avoir l'air, right? They seem, it looks like. Right. Right. Literally, it's to have the air. Okay, and what kind of air do they have? A sad air. They have a sad air about them. Ils ont l'air triste. Okay. Now, he could have just said, les animaux sont tristes, right? They are sad. But he doesn't actually talk to them. His perception of this, right? Oui, c'est ça, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on utilise avoir l'air. Les animaux ont l'air triste. Right. Now, if they actually said to him, je suis triste, then we would know that they actually are sad. Ouais. Comme toi, maintenant, tu as l'air heureux, JP. Do I? Oui. You know why? Because I'm going on vacation tomorrow. Voilà. Tu pars en week-end. Tu pars pour un long week-end. Absolutely. Des vacances, comme tu dis. Mm-hmm. C'est pour ça que tu as l'air heureux. OK. Mais on revient au dialogue. Et donc, la fille répond ensuite, mais essaie de voir les choses de manière pédagogique. Okay, now that is a very funny French thing to say. Ah, ouais. It is. But try to see it from a pedagogical perspective, all right? She's trying to get him to see the educational value of the trip to the zoo. Okay. Mais là, une autre réponse. Tu aimerais vivre dans une cage. Okay, now here he goes again, identifying with the animals, right? Would you like to live in a cage? Oui. Okay, now the verb here is the verb aimer, and it's in the conditionnel. So in English we'd say, would you, like, would you enjoy living in a cage? Would you like to live in a cage? Tu aimerais vivre dans une cage? Mm-hmm. And she has to say no, right? She can't say, yes, I would. Non, pas vraiment. No. So how does she get out of this trap question? Elle lui dit, tu commences à m'énerver. Ok. Ça aussi, c'est très français, à mon avis. Yeah. Non, c'est pas, je ne dis pas ça pour toi, hein, JP. Ne me regarde pas comme ça. On est revenu au dialogue. Ok. Donc, on a, tu commences à. Mm-hmm. So, commencer à is to start something. And you notice that commencer always is followed by à when a verb comes afterwards. Mais ces pauvres animaux, en plus, ils ont l'air d'avoir faim. Okay, now here's that expression again, avoir l'air, right? Oui. Now, earlier in the podcast, we said they seem sad, right? Ils ont l'air tristes. Okay, now here, they seem hungry. Ils ont l'air d'avoir faim. Okay, now the difference between these two expressions of avoir l'air is that the, in the first one, when they seem sad, the word triste is an adjective, right? So it's, ils ont l'air triste. Exactement, oui. Okay? Comme je te dis, tu as l'air heureux. Exactly. There's another adjective, heureux, triste. Okay? Now, in the sentence we're looking at now, we use avoir l'air de. And this is a little tricky because when you're talking about a noun, it's always going to be avoir l'air de. Okay? Now, a lot of you are looking at this and thinking, avoir faim, that's not a noun. That's a verb, right? Avoir faim. And it is a verb, but it is the noun form of the verb. It's called the infinitive. So, avoir faim is to have hunger. So, they seem to have hunger. Ils ont l'air d'avoir faim. Exactly. Mais lesquels, JP? Which animals? Oui. All right. Well, I think we're going to name them all. Alors, tous. Mm-hmm, all of them. C'est singes. Monkeys. C'est girafes. Okay, they're giraffes. Emily is pointing to the imaginary zoo in the studio here. Voilà. Pointing around at the giraffes. Apparently, they're to the left. Ces éléphants. Okay, the elephants, these elephants. C'est perroquets. Okay, these parrots. C'est gazelles. These gazelles. This is quite a zoo. It is. It's too bad that all of them seem so sad. Mais alors, elle lui dit, et les ours. Okay, and the bears. Les tigres. What about the tigers? Les loups. The wolves. Les aigles. The eagles. Les lions. The lions. Well, they're just as hungry as the monkeys and giraffes. Eux aussi. C'est un scandale. Okay, them too. And then it's a scandal. Or it's awful. C'est un scandale. That's our phrase clé. Oui. Et là, elle arrive à ce qu'elle veut. Okay. Puisqu'elle dit, okay, si tu veux vraiment les aider, if you really want to help them, je crois que j'ai une solution. Okay, I think I have a solution. And then we hear some awful, terrible, disgusting sounds. Amélie, what just happened? Alors, je ne sais pas si c'est seulement les lions ou si c'est les ours, les tigres, les loups, les lions tous ensemble. Okay. Bon, on dirait qu'elle jette. Oh no. Eh oui, il a exagéré. She pushed him into the animal cage. Mais elle n'a pas arrêté de se plaindre. Elle est trop énervée. Okay, don't push her to the limit or she'll push you to the lions. Et tout ce qu'il peut dire, c'est « Mais non, qu'est-ce que tu fais ?» What are you doing? Le pauvre. Yeah, and then the lions eat him, right? Ah, je crois, ouais. I hope she was just kidding. Non, non, non, non, c'est la réalité. Oh, no. On va réécouter ce drame. Okay. J'aime pas aller au zoo. Arrête, on y va qu'une fois par an. Les animaux ont l'air tristes. Mais essaie de voir les choses de manière pédagogique. Tu aimerais vivre dans une cage? Tu commences à m'énerver. En plus, ces animaux ont l'air d'avoir faim. Lesquels? Tous. Ces singes, ces girafes, ces éléphants, ces perroquets, ces gazelles. Et les ours, les tigres, les loups, les aigles, les lions? Eux aussi. C'est un scandale. Ok, si tu veux vraiment les aider, je crois que j'ai une solution. Mais non! Qu'est-ce que tu fais? Alors, On parle ici des zoos, mais c'est vrai que moi, j'ai de la difficulté à avoir une opinion sur les zoos, JP. You do? Mais par moment, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des zoos. Et par moment, je trouve que ce n'est pas très cool pour les animaux. No, not that cool. No, it's non, not. C'est vrai, parce que parfois, tu les vois et t'as l'impression que quand tu vas au zoo, ils te disent « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Right, what the heck am I doing here? Right. You know, but it's true that in bigger zoos that are well-funded, that the zookeepers are really there studying the animals. And so it's more than just looking at the animals, but they want to study their behavior. So they have to recreate the environment, like a polar bear environment would be Arctic-like, you know, and they have cold water. And the monkey environment would have a tree. D'accord. Right, so they could monkey around. Et tu veux dire, après, ils peuvent mieux comprendre les animaux pour les aider dans la nature. Exactly, yeah. Donc, il y a vraiment un côté pédagogique. Absolutely. But then there's the less funded zoos where the animals just sit around. Ouais, c'est ça, ouais. Yeah, and get sad. And that's just animal jail. Mais il y a quand même un côté éducatif pour les enfants de voir les animaux en vrai. Ça leur fait prendre conscience qu'il faut les protéger. Well, you never know. The next generation of biologists and zookeepers might be visiting the zoo right now. C'est vrai. Enfin, nous, on aimerait connaître votre opinion sur les zoos. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? N'hésitez pas à venir laisser votre commentaire, à nous dire ce que vous en pensez sur la page de discussion. Et maintenant, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Salut! À la prochaine!